إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc on a expliqué au dernier cours plusieurs des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et on est arrivé au cours numéro 13 dans la série de durus de l'explication de l'aqidatul wasitiyya du Cheikh Ibn Taymiyyah avec l'explication de Cheikh Salih al-Fawzan. Maintenant, avant de continuer, on va juste expliquer un point en ce qui concerne la façon dont les ulama d'Ahl Sunnah al-Jama'a ont fait la division des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Comment ils ont catégorisé ces attributs, ces noms et ces attributs-là. Et ça va, inshallah, faciliter un peu notre compréhension. D'accord? Et l'explication dont je vais tirer ça d'un livre qui s'appelle Ada'ul Maturidiyya lil Aqidat al-Salafiyya al-Maturidiyya وموقفهم من التوحيد من توحيد الأسماء والصفات. C'est écrit par un chef qui s'appelle Shams al-Salafi al-Afghani. Ok, c'est une thèse de magistère de l'université islamique à Peshawar. Et mashallah, il a vraiment fait un bon travail dans ce livre-là de clarifier l'aqida des salaf et de réfuter les gens de bid'a comme les maturidiyya et les ash'ara. Et donc il a expliqué, il dit, في أنواع, ça c'est dans le volume 2, la page 318, il dit, في أنواع الصفات على طريقة السلف, أو طريقة أهل السنة. Il dit, لم يعرف عند السلف تقسيم الصفات, ولا الخوض في ذلك. Il dit que la façon dont les catégories dont les salafs ont, ou les ulama d'Ahl Sunna ont divisé les catégories des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, il dit que les salafs, c'est-à-dire nos prédécesseurs, les sahaba et les tabi'in et ceux qui les ont suivis, ils n'avaient pas l'habitude de catégoriser les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils n'avaient pas non plus l'habitude de discuter à ce sujet-là, ils ne rentraient pas dans ces choses-là. Mais le cheikh il dit, قال الإمام تقي الدين أبو العباس أحمد بن علي المقريزي, hein, qui est mort en 845, il dit, بل كلهم أي الصحابة رضي الله عنهم فهموا معنى ذلك نعم ولا فرق أحد منهم بين كونها صفة ذات أو صفة فعل وإنما أثبتوا له تعالى صفات أزلية من العلم والقدرة والحياة والإرادة والسمع والبصر والكلام والجلال والإكرام والجود والإنعام والعز والعظمة وساق الكلام سوقا واحدا نعم. Donc le chef il dit que les Sahaba رضي الله عنهم ils ont compris la signification des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et ils se sont tus au sujet ils sont pas rentrés dans la parole en ce qui concerne les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ils n'ont pas fait de distinction entre les attributs qui ont rapport avec son être, hein, ou les attributs qui ont rapport avec ses actions. Ils ont cru en tous ces attributs-là comme étant des attributs infinis, et ils ont tous affirmé la connaissance, la puissance d'Allah subhanahu wa ta'ala, la vie, la volonté, l'ouïe, la vue, la parole, hein, la majesté d'Allah subhanahu wa ta'ala, la grandeur, la générosité, la bonté, al-izz, la puissance, al-azama, la grandeur. Donc ils ont tous affirmé ça et ils ont tous accepté ces attributs-là comme un tout, yani, sans faire de distinction entre des catégories ou d'autres. Et le cheikh dit wa hakadha athbatu رضي الله عنهم نعم وكذلك أثبت رضي الله عنهم ما أطلقه الله سبحانه على نفسه الكريمة من اليد والوجه ونحو ذلك مع نفي المماثلة للمخلوقين وأثبت رضي الله عنهم بلا تشبيه ونزه من غير تعطيل ولم يتعرض مع ذلك أحد منهم إلى تأويل شيء من هذا بل رأوا بأجمعهم إجراء الصفات كما وردت. Donc l'imam al-Maqrizi il continue et il dit qu'ils ont également affirmé tout ce que, c'est-à-dire les Sahaba, ils ont également affirmé tout ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est attribué à lui-même, comme par exemple le fait d'avoir deux mains ou un visage et tous les attributs de ce genre, et sans faire aucune ressemblance entre Allah subhanahu wa ta'ala et sa création. De même qu'ils ont affirmé ces attributs-là pour Allah subhanahu wa ta'ala sans faire de tashbih, c'est-à-dire sans faire de ressemblance, wa alaykum salam, rahmatullahi wa barakatuh, sans faire de tashbih, sans faire de ressemblance entre la créature et le créateur. Wa nazzahu min ghayri ta'til. Et ils ont purifié Allah subhanahu wa ta'ala de toute imperfection et de toute ressemblance sans toutefois tomber dans la négation des attributs et de la réalité de ces attributs-là. Comme les gens de Béda qui ont nié les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala par crainte de tomber dans la ressemblance ou dans le tashbih. Et ensuite il dit وَلَمْ يَتَعَرَّضْ مَعَ ذَلِكَ أَحَدٌ مِّنْهُمْ إِلَى تَأْوِيلِ أَيِّ شَيْءٍ مِّنْ هَذَا. Aucun d'entre eux non plus n'est tombé dans ce qu'on appelle le ta'wil, qui est en réalité le tahrif, c'est-à-dire de déformer le sens des attributs pour leur donner une autre signification. Aucun d'entre les salafs n'a fait ça, ok, et ils ont tous en fait accepté ou dit qu'il faut prendre les textes qui parlent des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala tels qu'ils ont été attribués à Allah subhanahu wa ta'ala dans le Coran et dans la Sunna sans essayer de déformer le sens ou nier la réalité des attributs. Ensuite, Cheikh Shams al-Salafi il dit قلت ولكن خاض المتكلمون في تقسيم الصفات لكن لما خاض المتكلمون في تقسيم الصفات اقتضى ذلك أن يكون لأهل السنة منهج واصطلاح في هذا في ذلك للرد على أهل البدع. Donc lorsque les gens de bid'a parmi les mutakallimin, أهل الكلام, ceux qui sont entrés dans la philosophie et qui ont essayé d'interpréter la religion et la foi en Allah subhanahu wa ta'ala en se basant sur des principes philosophiques, hein, ils sont rentrés dans ces questions-là, et donc, à partir de ce moment-là, c'était nécessaire pour les gens de Ahl Sunnah wal Jama'a hein, d'établir une méthodologie et d'établir certaines terminologies et certaines règles dans le but de réfuter les gens de Bid'ah. Après, il dit فَتَكَلَّمَ أَئِمَّةُ السُّنَّةِ بِأَشْيَاءٍ لَمْ يُنْقَلْ عَنِ الصَّحَابَةِ التَّصْرِيحَ بِذَلِكَ وَإِنْ كَانَ لَهَا مَعَانٍ صَحِيحَةٌ معقولة موافقة لنصوص الكتاب والسنة ولذلك أمثلة عديدة كالذات وبذاته وبائن ونحوها okay. ومنها تقسيم الصفات. Donc le cheikh il dit que les imams de Ahl al-Sunnah ils ont été donc obligés de parler de certaines choses qui n'avaient pas été rapportées par les sahaba et que les sahaba n'avaient pas spécifiquement exprimé durant leur période ou durant leur époque. Mais ces choses-là qu'ils ont rapportées ou qu'ils ont amenées, ces nouvelles terminologies-là qu'ils ont amenées, avaient des significations qui étaient correctes, qui étaient acceptables et qui étaient en accord avec le texte du Coran et de la Sunna. Hein. Et par exemple, il y a plusieurs exemples de ça, comme par exemple « Az-Zat ». Quand on parle de Allah subhanahu wa ta'ala, on parle de son être, on dit « Az-Zat » ou « Bi-Zat » ou « Bi-Zatihi » ou par son être, c'est-à-dire qu'il est, par exemple, si on dit qu'il est mustawin ala arshihi bi-zatihi, c'est-à-dire qu'il est au-dessus de son trône, hein, en son être, son être est au-dessus de son trône, ba'inun min khalqi, c'est-à-dire qu'il est séparé de sa création, il n'est pas uni, il n'est pas un avec sa création, ou bien mélangé avec sa création, comme les gens de Bid'ah certains mubtadi'a essaient de prétendre, par exemple. Donc ça, c'est des choses qui ont été amenées, des termes qui ont été amenés par les imams d'Ahlus Sunnah pour clarifier la position d'Ahlus Sunnah et Al-Jama'a par rapport aux attributs d'Allah. Et donc, parmi les exemples de choses qui ont été amenées parmi ces terminologies-là, il y a le fait d'amener ces divisions ou ces catégorisations des attributs d'Allah pour rendre la chose de plus en plus claire. Et le cheikh dit « Wa la'alla hadhihi al-alfaz والتقسيمات وأمثالها تدخل تحت قاعدة الإخبار عن الله، فقد تقدم أن باب الإخبار عنه تعالى أوسع من باب الأسماء والصفات. Donc le cheikh il dit que il est possible de dire que ces attributs là ça peut peut-être faire partie de ces catégories peuvent faire partie de la règle qu'on dit lorsqu'on dit par exemple que lorsqu'on parle d'une façon des informations qu'Allah a données à propos de lui-même, sans que ce soit des noms et des attributs. Donc dans ce cas-là, ça c'est c'est un aspect de la aqida qui est plus large que les noms et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il y a plus de possibilités, d'exprimer certaines choses qui sont même si elles sont pas nécessairement claires dans le texte. Exactement, c'est ça. Sans dire que c'est des noms et des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc c'est juste une information qu'on donne à propos d'Allah subhanahu wa ta'ala sans toutefois que ça rentre dans les noms et les attributs. Parce que y a toujours une référence quand même à la révélation, mais c'est pas une référence directe. Puis peut-être que en les expliquant, vous allez comprendre encore plus la signification de ça. D'accord? Le cheikh dit أول من قسم الصفات إلى الذاتية والفعلية من أئمة الإسلام فيما أعلم هو أبو حنيفة رحمه الله تعالى ثم تلاه آخرون. Donc il dit le premier ou les premiers qui ont fait les catégories des attributs en attributs ذاتية, c'est-à-dire les attributs de l'être qui sont reliés à l'être d'Allah subhanahu wa ta'ala, et fi'liya, les attributs qui sont des actions d'Allah subhanahu wa ta'ala, parmi les imams de l'islam, c'est Abu Hanifa, c'est un des premiers qui a fait ces catégorisations-là, et ensuite d'autres ulama l'ont suivi dans ça. وَزَادَ بَعْدُهُمْ الْأَئِمَّةِ أَمْثَالَ عَبْدُ الْعَزِيزِ الْكِنَانِي qui est mort en 240. Hijri. Donc, Abdelaziz al-Kinani a suivi là-dessus, et après Ibn Kulab, qui est mort en 240, ou l'imam Ahmed, qui est mort en 241. Donc, ça c'est des exemples d'imams qui ont amené des divisions comme ça. Ou al-Bayhaqi aussi, l'imam al-Bayhaqi, il a divisé les attributs en sam'iyya et aqliyya. C'est-à-dire les attributs qui sont connus par As-Sama, dans le sens que c'est des attributs qui sont connus par la révélation, parce que la révélation, elle on l'apprend par lui, c'est-à-dire on l'entend, c'est quelque chose qui a été transmis de Jibril à Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de Muhammad sallallahu alayhi wa sallam aux Sahaba par la parole et par lui, donc on les appelle Sam'iyya, hein. Et aqliya, par opposition à aqliya, c'est-à-dire des attributs qui sont rationnels, d'accord. Et donc ça c'était une autre division, amenée par l'imam al-Bayhaqi. Maintenant le cheikh dit, فَنَقُولُ صِفَاتُ اللَّهِ تَعَالَى عَلَى طَرِيقَةِ أَئِمَّةِ السُّنَّةِ سِتَّةُ أَنْوَاعٍ تَحْتَ ثَلَاثِ تَقْسِيمَاتٍ وَعَلَيْكُمْ صَلَاحَةُ اللَّهِ. Donc les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala, selon la voix des imams de la sunna, sont de 6 catégories qui sont divisées en 3 catégorisations, des 3 sous-catégories, et on va les expliquer une par une. La première catégorie, c'est de distinguer le cheikh dit التقسيم الأول باعتبار ما تشتمل عليه الصفات من المعاني الوجودية والعدمية فهي بهذا الاعتبار الصفات الثبوتية والصفات السلبية. Okay? Donc la première façon de catégoriser les attributs, selon les imams des salafs, c'est de les catégoriser, les attributs, par rapport à l'existence et la non-existence de de certains attributs. Et c'est de deux catégories. La première, c'est les attributs affirmatifs, et la deuxième, c'est les attributs qui sont niés ou qui sont négatifs, c'est-à-dire qu'on nie à Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, la première catégorie, sifat as-subutiyya, on va expliquer ce que ça signifie. هي ما أثبته الله لنفسه فوصف به نفسه أو أثبته له رسوله صلى الله عليه وسلم فوصفه به وتدل على إثبات الكمال المطلق له سبحانه وتعالى مع تضمنه تنزيه الله تعالى عما يضاده من كل عيب ونقص كالحياة والعلم والقدرة والسمع والبصر والعلو والربوبية والألوهية ونحوها. Donc la première catégorie, c'est les attributs affirmatifs, celles qu'on affirme à Allah subhanahu wa ta'ala. Et ce sont celles qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est affirmé pour lui-même, et celles que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lui a affirmé, ou lui a attribué. Et tous ces attributs-là, qui ont été affirmés pour Allah subhanahu wa ta'ala, impliquent une perfection totale, absolue. Et en même temps, elles impliquent qu'on purifie Allah subhanahu wa ta'ala de tout ce qui est contraire à ces attributs-là d'imperfection et de faiblesse. Comme par exemple les attributs de la vie, de la connaissance, de la puissance, de l'ouïe et de la vue, du fait que Allah subhanahu wa ta'ala est élevé au-delà de sa création, qu'il a ar-rububiyya, qu'il a la souveraineté sur toute sa création, et qu'il a al-uluhiyya, c'est-à-dire qu'il a le droit exclusif à l'adoration, et tous ces autres attributs-là. Donc ça, c'est la première catégorie. Ensuite, la deuxième, c'est as-sifat as-salbiyya, c'est-à-dire les attributs négatifs ou qu'on doit nier à Allah subhanahu wa ta'ala, wa hiya allati nafaha Allah subhanahu wa ta'ala an nafsihi fi kitabih, أو على لسان رسوله صلى الله عليه وسلم لأنها صفات نقص وعيب مع تضمنها إثبات الكمال المطلق له تعالى فإن النفي المجرد المحض لا مدح فيه نحو نفي الولد والوالد ونفي اتخاذ الصاحبة ونفي الشريك ونفي الند والمثل أو المثل والكفء والنظير ونفي الموت والظلم والنوم والسنة والعجز ونحوها كما سبق. Donc la deuxième catégorie dans cette catégorie là c'est les attributs négatifs qu'on a dit, et c'est celle qu'Allah s'est nié pour lui-même dans son livre, et celle que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a nié dans la sunna, et ce sont et des attributs de faiblesse et de d'imperfection que Allah subhanahu wa ta'ala a nié. Et quand on les nie, ces attributs-là, on doit affirmer leur opposé ou leur contraire absolu. C'est-à-dire si on nie par exemple, comme on va voir les exemples, parce que, comme par exemple si on nie l'injustice, on dit al-zulm, on nie que Allah subhanahu wa ta'ala a fait le zulm, il faut affirmer son opposé ou son contraire absolu, c'est-à-dire qu'il est absolument juste, Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh il dit, فَإِنَّ النَّفْيَ الْمُجَرَّدَ الْمَحْضَ لَمَدْحَفِي. C'est-à-dire, si tu fais juste une simple négation, comme ça, sans affirmer l'opposé de ce que ça implique d'imperfection, sans affirmer le contraire de cette imperfection-là, eh bien ça n'implique pas du tout une perfection. Comme par exemple, si tu dis par exemple à propos de quelqu'un, je connais Zayd, et cette personne, il n'est pas stupide, il n'est pas ignorant, il n'est pas faible et tout. Donc ça implique pas en réalité que tu le glorifies ou que tu dis quelque chose de bien à son sujet. Ça implique seulement le contraire, que tu lui nies ces imperfections-là. Toutefois, il n'y a pas de glorification là-dedans. Il n'est pas stupide, il n'est pas ignorant, il n'est pas il n'est pas faible, etc. Mais ça ne veut pas dire le contraire. Comme par exemple si on dit à propos d'une chose inerte, comme par exemple on dit le mur ne fait pas d'injustice, ça ne veut pas dire qu'il fait de la justice non plus. Voilà. Tandis que lorsqu'on nie les imperfections pour Allah, il faut également affirmer le contraire pour que ça ait une signification de perfection. Et donc le cheikh il dit « Nahu nafi al-walad » comme il faut nier à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il a un fils ou des enfants. De même que d'avoir un walid, c'est-à-dire un père. Allah subhanahu wa ta'ala il dit « Lam yalid wa lam yulad » il n'a pas enfanté, il n'est pas l'enfant de personne. Donc on doit nier ces choses-là et on doit affirmer l'opposé contraire, c'est-à-dire qu'il est al-qayyum, al-ghani, celui qui a besoin de rien alors que tout a besoin de lui, et celui qui se suffit à lui-même, Allah subhanahu wa ta'ala. Et il faut nier également qu'il a une compagne, il n'a pas de femme ou d'épouse, contrairement à ce que les chrétiens peuvent essayer de lui affirmer, d'accord. Également, le cheikh il dit il faut nier qu'il a un sharik, c'est-à-dire un partenaire ou un associé dans quoi que ce soit, ou un nid, un ego, un égal, ou bien un mithl, ou quelque chose qui est pareil à lui, ou un kufr, encore une fois, quelque chose qui est pareil à lui ou comparable à lui, ou un navir, encore une fois c'est dans le même sens que ça, ou un nafiul maut, de nier, il faut nier qu'il ait comme attribut la mort. Allah subhanahu wa ta'ala, il ne meurt pas. Et il faut nier al-dhulm, l'imperfection de l'injustice. Il faut nier également le sommeil et la somnolence et l'incapacité et la faiblesse. Toutes ces choses-là sont des imperfections qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est nié pour lui-même dans sa révélation. Et la voix d'Ahl Sunnah wal Jama'a à ce sujet-là, c'est qu'on nie d'une façon générale, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il a nié les imperfections pour lui-même, comme il dit, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ. Donc on voit que les négations sont vraiment générales, tandis que les affirmations sont spécifiques, dans le sens qu'il dit, وَهُوَ الْعَلِيُّ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ etc. Donc on voit qu'il affirme des attributs de façon spécifique. Ok, donc c'est ça la voix d'Ahl Sunnah wal Jama'a, contrairement aux gens de Bédah qui disent il n'est pas ça, il n'est pas ça, il n'est pas ça, il n'est pas ça, il n'est pas ça, il n'est pas ça, il n'est pas ça, et qu'ils affirment aucun attribut. Donc ça c'est la première façon de catégoriser les attributs, c'est la façon de les diviser en celles qu'on affirme et celles qu'on nie. Maintenant il y a une autre catégorisation qui existe, qui a été établie par les ulama, et c'est التقسيم الثاني باعتبار تعلقها بمشيئة الله وعدمه فهي بهذا الاعتبار ثلاثة أنواع. Donc là le cheikh il dit qu'il y a une autre catégorisation qui est reliée à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et l'absence de sa volonté, dans le sens que on va comprendre, je vais l'expliquer. Donc il dit que cette catégorisation-là, elle est divisée en trois sous-catégories. La première, c'est ذاتية محضة وهي التي لا تنفك عن الذات أو عن الله سبحانه وتعالى أبدا ولا تدخل تحت مشيئة الله وفعله وذلك كحياته وعلمه وقدرته وعلوه على خلقه وحكمته وعظمته ووجهه ويديه ونحوها. Donc la première catégorisation c'est celle qui c'est des attributs qui ont uniquement rapport à son être et qui ne se séparent jamais de son être, qui sont éternels avec Allah subhanahu wa ta'ala et qui vont toujours demeurer avec Allah subhanahu wa ta'ala, et elles n'ont aucun lien avec la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala, ni avec ses actions. Et par exemple, on peut dire comme exemple, la vie, al-hayat, la vie d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est éternelle. Il est hu al-awwalu wa al-akhir, il est le premier et le dernier. De même que sa connaissance, ok, ça fait partie de son être. sa force, sa puissance, ça fait partie de son être. Le fait qu'il est au-dessus de toute sa création, aussi ça fait partie de son être. Le fait qu'il a une sagesse infinie, qu'il a une grandeur infinie, qu'il a un visage, qu'il a deux mains, tout ça, ça fait partie de son être. Et ça, ça se sépare jamais de lui-même. Ok, ça c'est Allah subhanahu wa ta'ala, ça fait partie de son être. Deuxième catégorie, c'est al-fi'liya al-mahda. C'est des attributs qui sont uniquement reliés aux actions d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui sont donc reliés à sa volonté. Il le fait quand il veut, et quand il ne veut pas, il ne le fait pas. Ok? Et ça, il dit, هي التي تتعلق بمشيئته سبحانه وتعالى إن شاء فعلها وإن شاء لم يفعلها كاستوائه تعالى على عرشه ونزوله إلى السماء الدنيا ومجيئه يوم القيامة وغضبه ورضاه وضحكه وفرحه سبحانه وتعالى وغيرها. Donc il donne comme exemple de ces attributs-là qui sont reliés à ses actions. Et il dit que ce sont des actions qu'il les fait quand il veut, et quand il ne veut pas les faire, il ne les fait pas. Comme par exemple, le fait qu'il s'est élevé au-delà de son trône, ou bien le fait qu'il descend au dernier des cieux, ou le fait qu'il viendra au jugement dernier, ou le fait qu'il est en colère contre certains de ses serviteurs, et le fait qu'il est par exemple satisfait de certains de ses serviteurs, hein, tout ça c'est relié à sa volonté. Le fait qu'il rit et qu'il se réjouit, Allah subhanahu wa ta'ala, ça, tout ça, c'est relié avec sa volonté, d'accord? C'est des attributs qui sont reliés, bien, qui font partie de son être, mais qui sont reliés à sa volonté. C'est-à-dire, ces attributs-là, il a toujours été capable de les faire, et il a toujours eu ces attributs-là, sauf qu'il les fait quand il veut, d'accord? والنوع الثالث ذاتية باعتبار وفعلية باعتبار آخر. Il dit il y a d'autres attributs qui font partie de son être d'un point de vue, d'un certain point de vue, et qui sont également des attributs de son acte, de ses actions, d'un autre point de vue également. Hein, et il dit par exemple كصفات الكلام, كصفات كلامه سبحانه وتعالى. فإنه باعتبار أصله ونوعه صفة ذاتية لأن الله سبحانه وتعالى لم يزل ولا يزال متكلما باعتبار آحاد الكلام وأفراده صفة فعلية. Donc quand on regarde par exemple de la parole d'Allah سبحانه وتعالى, Allah سبحانه وتعالى a toujours eu l'attribut de la parole, hein, et ça fait donc partie de son être qu'il ait la capacité de parler. D'accord? Et donc, il a toujours eu cette capacité-là et cet attribut-là, et il l'aura toujours. Et d'un autre point de vue, donc de ce point de vue-là, ça fait partie de son être, mais d'un autre point de vue, c'est des attributs qui ont rapport avec sa volonté et ça a rapport à ses actions, du fait qu'il choisit de parler et de dire ce qu'il veut quand il veut. Donc, de ce point de vue-là, ça fait partie des attributs de ses actions. لأن الكلام يتعلق بمشيئته تعالى فالله سبحانه وتعالى يتكلم متى شاء كما قال تعالى إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. الله سبحانه وتعالى donc il parle quand il veut, et il mentionne le cheikh un verset qui dit que Allah سبحانه وتعالى quand il veut quelque chose, il n'a qu'à dire soit et c'est, d'accord? Il n'a qu'à dire le verbe impératif soit et c'est, c'est-à-dire c'est un commandement, un ordre d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et le chef il dit تنبيه يقال للصفات الفعلية الصفات الاختيارية والأفعال الاختيارية أيضا. Il dit comme une note, il dit qu'on dit également les attributs des actions, on peut également dire les attributs volontaires ou les actions volontaires d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça, ce sont des attributs, les attributs qui sont reliés avec à la volonté d'Allah subhanahu wa ta'ala et aux actions d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ce sont des attributs que les gens de Bid'ah renient en général, comme par exemple les Jahmiyyah, les Mu'tazila et les Asha'ira et les Maturidiya, ils nient ce genre d'attributs-là, et c'est de ces attributs-là qu'ils font soit le tafwid, ils nient la connaissance de leur signification, ou bien ils font le ta'wil, c'est-à-dire le tahrif, ils déforment le sens de ces attributs-là pour leur donner une autre signification. Donc par exemple, les attributs comme la main, ils vont dire que c'est la force, hein, ou bien par exemple la colère ou l'agrément, ils vont dire que c'est relié à sa volonté, donc ils vont dire que c'est la volonté. Voilà, donc ils font le ta'wil des attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala à ce sujet-là. La troisième façon de catégoriser les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala par rapport aux salaf et aux ulama de Ahl Sunnah, c'est par rapport à la façon dont on peut les affirmer. Donc le cheikh il dit القسم الثالث باعتبار طريق إثباتها فهي بهذا الاعتبار على نوعين النوع الأول خبرية سمعية وعقلية معا وخبرية وسمعية c'est-à-dire les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala sont dans la façon dont on peut les affirmer sont de deux catégories. La première catégorie, c'est qu'elles sont affirmées par les textes et par la raison, ou par les textes seulement. D'accord? Donc ça, c'est les deux façons qu'on peut diviser encore les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Donc, il donne comme exemple de la première catégorie, هي التي يشترك في إثباتها الدليل الشرعي والعقل والفطري والعقل والفطري كالحياة والقدرة والعلو والعلم والسمع والبصر والربوبية والألوهية وغيرها. Donc, ces attributs-là, comme la vie, la puissance, la hauteur d'Allah subhanahu wa ta'ala, qu'il est élevé au-dessus de sa création, le ilm, la connaissance, l'ouïe, la vue et la souveraineté d'Allah subhanahu wa ta'ala et son droit exclusif à l'adoration, tout ça, ça peut être affirmé, c'est affirmé par les textes et ça peut être affirmé également par la raison. D'accord? Ça peut être également affirmé par la raison en même temps, et également par la fitra, parce que ça fait partie de quelque chose qui est en l'âme de chacun d'entre nous, d'être capable de comprendre la signification de ces attributs-là, et de savoir qu'il faut les affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Donc, par la fitra, et par la raison, et par l'épreuve de la sharia, c'est-à-dire la révélation. Ça, c'est une façon de catégoriser. Et il y a une autre catégorie, c'est celle qui est uniquement affirmée par la révélation. C'est-à-dire, tout simplement, al-sifat al-naqliya ou al-shar'iya. Wa hiya allati la sabila ila ithbatiha illa al-sam' wal-khabar anillahi subhanahu wa ta'ala ou an rasulihi sallallahu alayhi wa sallam. Bayda anna العقل الصحيح والصريح لا يعارضها بل يؤيدها نحو وجه الله الكريم ويديه وعينيه وساقه وقدمه ورجله وأصابعه وقبضته واستواءه على عرشه ونزوله إلى سماء الدنيا وإتيانه ومجيئه يوم القيامة ونحوه. Donc il donne des exemples, maintenant il dit que ça c'est des attributs, la deuxième catégorie c'est des attributs qu'on ne peut pas connaître excepté par la révélation. Et par la raison tu ne peux pas les affirmer parce que c'est impossible de les connaître. On peut juste les connaître parce que Dieu nous en a parlé dans le Coran et le prophète sallallahu alayhi wa sallam dans la Sunna. Et en même temps, il faut comprendre que la raison qui est correcte, la bonne une raison qui est propre, hein, qui n'a pas été corrompue par toutes sortes de philosophies étrangères, eh bien, cette raison-là qui est propre, qui est restée à son état pur, selon la fitra, elle ne peut rejeter aucune de ces attributs-là. Et il donne comme exemple le visage d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou les deux mains, ou les deux yeux d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou as-saq, c'est-à-dire la jambe, ou le pied d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ses doigts, hein. Par exemple, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'au jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre son pied sur l'enfer, et l'enfer va dire « qat, qat, quand l'enfer va, quand Allah va commencer à remplir les gens de l'enfer, à mettre des gens dans l'enfer, l'enfer va dire, هل من مزيد, يوم نقول لجهنم, هل امتلأتي, فتقول هل من مزيد, le jour où Allah subhanahu wa ta'ala va, va commencer à remplir l'enfer, et Allah va demander à l'enfer, est-ce que tu t'es rempli? Et l'enfer va demander, est-ce qu'il y en a encore? Et là, Allah subhanahu wa ta'ala va mettre son, son pied sur l'enfer, et là, l'enfer va, va parler, va dire, qat, qat, ça veut dire, ça suffit, ça suffit. Donc, ça c'est pour affirmer, que Allah subhanahu wa ta'ala a un pied, et les gens de Bid'ah, bien entendu, ils détestent des hadiths de ce genre, parce qu'ils ne veulent pas affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala qu'est-ce qu'il s'est affirmé pour lui-même. Mais en même temps, nous on dit, on affirme ses attributs tels que le prophète sallallahu alayhi wa sallam les a expliqués, sans toutefois faire de ressemblance. Et on n'essaie pas d'imaginer dans notre tête à quoi peut ressembler le pied d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou sa jambe, ou ses yeux, ou ses mains, ou tout autre attribut. Et aussi, exact, par exemple, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, قلوب العباد بين أصبعين من أصابع الرحمن يقلبها كيف يشاء. الله سبحانه وتعالى إلى tous les cœurs de ses serviteurs, comme le prophète صلى الله عليه وسلم a dit, il a tous les cœurs de ses serviteurs entre deux de ses doigts, et il les tourne comme il veut, il les fait tourner comme il veut. C'est pour ça que le prophète صلى الله عليه وسلم il disait toujours, يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. Ô toi qui fais tourner les cœurs, accroche fermement mon cœur à ta religion. Ou sabbit, ou bien sabbit qalbi ala dinik, ou bien ala ta'atik, affermis mon cœur sur ta, son obéissance et sur ta religion. Et également, al-qabba, c'est-à-dire que Allah subhanahu wa ta'ala, il va faire une poignée, avec, sa main au jugement dernier. C'est-à-dire, il va faire une poignée des cieux et de la terre, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit, وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه. Ils n'ont pas donné à Allah subhanahu wa ta'ala le respect qu'il mérite, et au jugement dernier, Allah subhanahu wa ta'ala va fermer sa main sur les cieux et la terre, et il va faire une poignée avec. Donc, pour Allah subhanahu wa ta'ala, l'univers c'est une petite chose minuscule. Donc, on affirme ça pour Allah subhanahu wa ta'ala comme il se l'est affirmé pour lui-même, et on dit que ça n'implique aucune ressemblance et ça n'implique aucune imperfection pour Allah subhanahu wa ta'ala. De même qu'on doit affirmer qu'Allah subhanahu wa ta'ala est au-delà de son trône, tel qu'il s'est décrit dans le Coran comme étant au-delà de son trône en disant Ar-Rahman wa ala l'arsh istawa, ou bien Summa istawa ala l'arsh, ou dans plusieurs versets comme ça. Et également, il faut croire qu'Allah subhanahu wa ta'ala, il descend au dernier des cieux, au dernier tiers de la nuit, comme il l'a dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit ça dans les hadiths authentiques. Également, il faut croire qu'il va venir au jugement dernier, comme Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans le Coran, yani, wa ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa dans surat al-fajr. Encore une fois, que ton Seigneur viendra, et les anges viendront, et ils vont se mettre en rang, rang après rang. Donc, alhamdulillah, yani, ça c'est une autre méthode. Donc on voit que il y a la façon d'affirmer les attributs qui est basée sur les textes, et la raison, qui est, ce sont les significations dont on a parlé, comme le fait de croire que Allah a la vie, la puissance, la vue, l'ouïe et toutes ces choses-là qu'on a mentionnées tout à l'heure. Et il y a d'autres attributs qu'on ne peut pas connaître par la raison, qui peuvent uniquement être connus par la révélation d'Allah subhanahu wa ta'ala, et ce sont ces attributs-là donc qu'on a mentionnés, et il y en a beaucoup d'autres encore. Et les gens de Bid'ah, eux, ils vont uniquement affirmer la première catégorie, celle qu'on peut connaître par la raison et les textes. Et l'autre catégorie, eh bien, ils l'ont nié, ou bien ils ont fait le ta'wil, le tahrif. Ils ont déformé le sens des attributs pour leur donner une autre signification. Comme par exemple, comme on a dit, ils vont dire par exemple que la main c'est la force ou la bonté, ou les yeux c'est, yani, la connaissance, ou bien par exemple ils vont dire la vue c'est la connaissance, c'est pas la vue, ou bien par exemple ils vont dire que al-istiwa, le fait qu'il s'est élevé au-delà du trône, ça veut pas dire qu'il s'est élevé, mais ça veut seulement dire qu'il a pris le pouvoir ou il a conquis le trône, il s'est approprié le trône, des choses comme ça. Ou bien quand ils disent par exemple que quand on dit qu'Allah est descendu au dernier des cieux, eux ils disent ça ne veut pas dire qu'il a descendu, ça veut dire que c'est son ange qui est descendu, ou bien son commandement qui est descendu, ou des choses de ce genre. Donc ça c'est des exemples d'égarement, de ta'wil que ces gens de bid'ah ont fait. Ou bien quand on dit qu'Allah est venu, il va venir au jugement dernier pour juger entre ses serviteurs, eux ils disent c'est son commandement qui va venir, ou d'autres choses de ce genre. Donc ça c'est des façons qu'ils ont utilisées pour nier les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Puis ensuite le cheikh il explique que toutes ces catégories là qu'on a mentionnées maintenant, elles entrent toutes les unes dans les autres. Si vous avez bien suivi, vous avez compris quand même le point. Et donc ces catégories là, c'est pas quatre catégories qui sont complètement divisées l'une de l'autre, elles ont toutes des liens entre elles, c'est ça que ça veut dire. D'accord? Donc maintenant qu'on a vu ça, alhamdoulilah, on peut continuer avec l'explication du cheikh Saleh Al-Fawzan du livre de Al-Wasitiyya, et on arrive justement à la place, au point où le cheikh il explique exactement ce qu'on vient d'expliquer, mais de façon un peu plus résumée, et en mentionnant les versets pour chacune de ces règles-là. Donc le cheikh il dit, le cheikh Ibn Taymiyyah il a dit, قَوْلُهُ تَعَالَى تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ ذِي الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. Et ça c'est le verset 78 dans Sourate Ar-Rahman. وقوله فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سمية. Ça c'est le verset 65 dans Sourate Maryam. Et ensuite il dit ولم يكن له كفوا أحد. Ça c'est le dernier verset dans Sourate Al-Ikhlas. فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. C'est le verset 22 dans Sourate Al-Baqara. ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Hein, et parmi les gens, il y en a qui prennent en dehors d'Allah des égaux avec lui, et qu'ils les aiment comme on aime Allah subhanahu wa ta'ala, ou bien ils les aiment comme ils devraient aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Et ça c'est le verset 165 dans Surat al-Baqarah. Maintenant on va expliquer en détail, j'ai pas traduit ces versets-là, mais on peut faire une petite traduction rapide. Ça veut dire « Tabaraka ismu rabbika » béni soit le nom de ton Seigneur, celui qui possède la majesté et l'ikram, la noblesse. فَعْبُدْهُ وَاسْتَبِرْ لِعِبَادَتِهِ. Alors adore-le et fais preuve de patience et d'endurance dans son adoration. Et هَلْ تَعْلَمُ لَهُ سَمِيًّا. C'est-à-dire il n'a pas de sami, il n'a pas d'ego ou de ressemblant. Et la négation est sous forme de question. Est-ce que tu connais, est-ce que tu lui connais un ego? Et c'est une façon de nier. Un égal, ouais, pardon. Est-ce que tu lui connais un égal? Et c'est une façon de nier qu'il, c'est-à-dire, il n'a pas d'égal. Ensuite, il dit, وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٍ. Et il n'y a rien qui lui est comparable. Il n'y a pas de, rien qui peut être comparé à lui, ou égal à lui, ou semblable à lui. Et dans un autre verset, فَلَا تَجْعَلُ لِلَّهِ أَنْدَادًا. Ne donnez pas à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux, alors que vous savez que c'est lui qui a créé tout dans la création, et que c'est lui seul qui a le pouvoir dans l'univers. وَمِنَ النَّاسِ. Il y en a parmi les hommes, ça j'ai traduit le verset. Ensuite le cheikh il explique maintenant plus, de façon plus détaillée, il dit تَبَارَكَ اسْمُ رَبِّكَ الْبَرَكَ لُغَةً أَنَّمَا وَالزِّيَادَةً والتبريك الدعاء بالبركة ومعنى تبارك اسم ربك تعظم أو علا وارتفع شأنه وارتفع شأنه. Le chef il dit que quand on dit béni soit le nom de ton Seigneur, ça veut dire ça vient de al-baraka. Tabaraka ça vient de al-baraka, Et al-baraka, qu'est-ce que ça signifie dans la langue arabe? Ça veut dire l'augmentation, hein, l'augmentation et disons la, le fait que quelque chose grandit et augmente, ok? Le tabrik, quand on dit tabaraka, ça veut dire on fait un doigt pour demander la bénédiction de quelque chose. Et dans ce sens-là, ici, c'est le fait de demander que le nom, c'est-à-dire le, de bénir ou de donner la bénédiction ou de demander la bénédiction du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et qu'est-ce que ça veut dire? Tabaraka ismu rabbika, Cheikh il dit ta'azama wa ala wa rtafa'a. C'est-à-dire que le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala soit exalté et qu'il soit élevé. D'accord? Et هذا اللفظ لا يطلق إلا على الله ذي الجلال والإكرام. Il dit ça, on peut pas dire ça excepté pour autre que on peut pas dire ça pour autre que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est uniquement pour Allah. Tabarak ismu rabbika ذو الجلال والإكرام. C'est-à-dire ça on l'a expliqué, et le chef on a déjà expliqué ذو الجلال والإكرام plutôt quand on a parlé du visage d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit وقوله فاعبده أي أفرده بالعبادة ولا تعبد معه غيره. فاعبده ça veut dire quoi? Ça veut dire adore-le ton Seigneur, et ça veut dire rends-lui la, fais que ton adoration pour lui soit exclusivement pour lui et n'adore personne d'autre avec lui. والعبادة لغة الذل والخضوع. الذل والخضوع ça veut dire l'adoration dans la langue arabe c'est quoi? C'est l'humilité et la soumission et l'humilité, vraiment faire preuve d'humilité, de se rabaisser devant Allah subhanahu wa ta'ala et de se faire humble. Wa shar'an ismun jami' lima yuhibbuhu Allah wa yardahu min al-aqwali wal amal al-zahira wal batina. Et dans la sharia, dans la religion, le mot ibada, ça implique quoi? Ça implique un mot qui réunit tout ce que Allah subhanahu wa ta'ala aime que, et tout ce qu'il agrée parmi les paroles et les actions, qu'elles soient intérieures ou extérieures, qu'elles soient ouvertes ou cachées, comme par exemple les actions qu'on peut faire dans la salat, ça, il y a des actions qu'on fait comme avec notre corps, ça c'est des actions extérieures comme la zakat, salat, le hajj, et il y a d'autres adorations qu'on fait à l'intérieur de notre cœur, c'est-à-dire par exemple al-khawf, la crainte d'Allah, l'amour d'Allah subhanahu wa ta'ala, al-raja, al-tawakkul, tout ça c'est des adorations qu'on fait à l'intérieur de notre cœur, de mettre sa confiance en Allah, d'aimer Allah subhanahu wa ta'ala, de craindre Allah, de mettre notre espoir en Allah subhanahu wa ta'ala, tout ça, ça fait partie de l'adoration intérieure. Ensuite il dit, wastabir li'ibadatihi, ay, اثبت على عبادته ولازمها واصبر على مشاقها. C'est-à-dire, واصبر, c'est plus fort que واصبر. Quand on dit واصبر, on dit واصبر, واصبر, c'est encore plus fort que واصبر. Et ça veut dire, yani, sois ferme dans l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala et accroche-toi à cette adoration-là et endure toutes les difficultés qui vont t'atteindre quand tu vas te mettre sur, chemin, sur le chemin de l'adoration d'Allah subhanahu wa ta'ala. Ensuite il dit هل تعلم له سميا. Est-ce que tu lui connais un égal, hein, comme j'ai dit tout à l'heure, c'est une question pour nier, hein, c'est une négation en même temps. استفهام الاستفهام للإنكار والمعنى أنه ليس له مثل ولا نظير حتى يشاركه في العبادة. C'est-à-dire que la signification de ça, c'est qu'il n'a pas d'égal, il n'a pas de ressemblance à Allah subhanahu wa ta'ala, qui, et il n'a personne qui doit être associé avec lui dans notre adoration. Ensuite il dit وَقَوْلُهُ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ الْكُفُّ فِي لُغَةِ الْعَرَبِ النَّظِيرُ أي ليس له نظير ولا مثيل ولا شريك ولا يعني ليس ولا شريك من خلقي. كأنتي ولم يكن له كفوا أحد. فده إن قد كف كف أي الكف ترى جهاب سي النظير. فده إن قد ressemblance ou de pareil ou d'égal ou de comparaison avec lui. Al-Nazir, ouais, c'est ça. Ouais, et c'est l'équivalent, puis aussi il y a d'autres synonymes à ça comme le partenaire ou Al-Mathil, le ressemblant, hein. Donc c'est toutes ces significations-là ensemble. Et لا تتخذوا لله أمثالا ونظراء تعبدونهم معه وتساوونهم في وتساوونهم به في الحب والتعظيم. Donc ça c'est l'autre verset. فلا تجعلوا لله أندادا. Ne donnez pas à Allah subhanahu wa ta'ala des égaux. أنداد c'est le pluriel de ند. الند. OK. Et الند في اللغة هو المثل والنظير والشبيه. C'est encore une fois, comme t'as, qu'est-ce que tu as dit tout à l'heure, l'équivalent, ou bien un navire, c'est ça, al-mithl, le pareil, ou un semblable, ou une ressemblance. Donc Allah subhanahu wa ta'ala, il s'est purifié de toutes ces choses-là. Il n'a pas d'ego, il n'a pas de partenaire, il n'a pas d'associé, il n'a pas d'égal. Donc, ça signifie quoi ce verset-là? Fala taj'alu lillahi andadan. Il dit que ça veut dire, ne prenez pas avec Allah subhanahu wa ta'ala des égaux et des ressemblances et des équivalences dans votre adoration quand vous les adorez, et que vous les mettez égaux avec Allah subhanahu wa ta'ala dans votre amour et votre respect pour eux. Ok, parce que comme l'autre verset qui va mentionner tout à l'heure, qui dit من الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله. Il y a beaucoup de mouchriquins qui n'ont pas dit, par exemple, que, c'est-à-dire à propos de leurs idoles ou à propos des hommes saints qu'ils ont adorés en dehors d'Allah subhanahu wa ta'ala, comme ceux qui adorent aujourd'hui les tombeaux où il y a des hommes saints enterrés, ceux-là, ils n'ont pas dit qu'ils ont créé les cieux et la terre, qu'ils ont une part du royaume d'Allah subhanahu wa ta'ala, ou qu'ils ont le contrôle de quelque chose dans la création, sauf qu'ils ont fait une égalité entre l'amour qu'ils ont pour ces créatures-là et l'amour qu'ils ont pour Allah subhanahu wa ta'ala, et également dans la crainte qu'ils ont parfois de ces créatures-là et la crainte qu'ils ont d'Allah subhanahu wa ta'ala. Donc, de ce sens-là, c'est pour ça que Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran, il dit ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. الذين كفروا بربهم يعدلون. Ceux qui ont mécru, ils ont fait ils ont égalisé entre Allah subhanahu wa ta'ala et sa création, du fait qu'ils ont aimé ces êtres-là ou ces idoles-là autant qu'on devrait aimer Allah, ou même parfois plus qu'on doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Et le cheikh, il dit وأنتم تعلمون أي أنه ربكم وخالقكم وخالق كل شيء وأنه لا ند له يشاركه في الخلق. إذا كما نعرف في الآيات من سورة البقرة فلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون. تابع الله سبحانه وتعالى اللي utilise toujours cet argument là de arrobobia, c'est-à-dire le fait que vous savez, vous êtes au courant, vous savez que Allah subhanahu wa ta'ala, c'est lui qui a tout créé et qui est le maître de toutes choses. Alors si vous affirmez ça, et si vous croyez en ça, alors pourquoi par la suite vous vous détournez et vous commencez à adorer d'autres avec Allah subhanahu wa ta'ala? Comme par exemple, les mushrikins, au temps du prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah dit dans plusieurs versets, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ اللَّهِ. Si vous leur demandez qui a créé les cieux et la terre, ils vont vous dire Allah. Donc, si vous savez que c'est Allah qui a tout créé et qui est maître de tout, pourquoi vous vous détournez par la suite et vous dites que Allah a des égaux, ou bien vous lui donnez des égaux dans l'adoration? Ça, c'est une contradiction. Et donc, Allah subhanahu wa ta'ala utilise souvent cet argument-là pour les faire conscientiser ou pour les faire réaliser qu'ils sont dans une contradiction entre leurs croyances et leurs pratiques, et qu'ils doivent revenir au tawhid, revenir à l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala dans l'adoration s'ils veulent être réellement des mu'minines. Et ensuite il mentionne l'autre verset qui dit وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَتَّخِذُ مِنْ دُونِ اللَّهِ أَنْدَادًا لَمَّا فَرِغَ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى مِنْ ذِكْرِ الدَّلِيلِ عَلَى وَحْدَانِيَتِهِ فِي الْآيَةِ الَّتِي قَبْلَهَا أخبر أنه مع هذا الدليل الظاهر المفيد لعظيم سلطانه وجليل قدرته وتفرده بالخلق، أخبر أنه مع ذلك قد وجد في الناس من يتخذ معه سبحانه ندا يعبده من الأصنام العاجزة يحبونهم كحب الله، أي أن هؤلاء الكفار لم يقتصروا على مجرد عبادة تلك الأنداد، بل أحبوها حبا عظيما وأفرطوا في حبها كما يحبون الله، فقد سووهم بالله في المحبة لا في الخلق والرزق والتدبير. Donc, le Cheikh il explique, il dit, après avoir mentionné les versets dans lesquels Allah subhanahu wa ta'ala explique clairement que c'est lui seul qui est yani unique et qui a le droit d'être adoré, il a mentionné par la suite que, après avoir mentionné qu'il a le pouvoir lui seul de, sur toute la création et qu'il est le maître de toutes choses et que c'est lui seul qui crée et c'est lui seul qui dirige tout dans l'univers, il a fait savoir que par la suite il y a des gens qui ont pris avec lui, avec Allah subhanahu wa ta'ala, des égaux dans l'adoration parmi les idoles et parmi les êtres humains également. Il y a des gens qui pensent que le shirk c'est juste quand on le fait avec une idole, hein, l'idolâtrie c'est pas juste avec des idoles, ça peut même avec des êtres humains, ça peut être avec une chose. À la base l'idolâtrie, shirk c'est quoi? C'est que tu offres à autre que Allah subhanahu wa ta'ala une forme quelconque d'adoration, soit le dua, soit le tawaf, soit le nadr, soit le dhabh, yani tu sacrifies un animal pour un être humain qui est mort, ou bien pour un être humain qui est vivant, mais pas dans le but, par exemple, de faire charité ou bien de faire preuve de générosité lorsqu'il arrive, par exemple, quelqu'un, t'as un invité, il arrive, tu sacrifies un animal dans le but de manger avec lui puis de l'inviter pour qu'il mange avec toi, ça c'est pas shirk. Mais lorsque tu sacrifies un animal pour le vénérer puis pour te rapprocher de cet être là, ou bien parce que tu lui demandes une faveur alors qu'il est dans sa tombe et tu veux qu'il t'exauce ton vœu, et lorsque tu crois qu'il a exaucé ton vœu, tu lui dis, si tu exauces mon vœu, je vais venir à ta tombe, je vais égorger un animal sur ta tombe ou des choses comme ça, ça c'est shirk billah, shirk akbar. Et puis par exemple également de faire le tawaf à la tombe d'un saint ou d'un wali comme certains font. Chaque année, hein, des millions de personnes qui vont visiter des tombes dans les pays musulmans, de certains saints, soi-disant saints, où ils vont là-bas et ils font des tawaf, ils font des doigts, ils font toutes sortes de trucs là-bas, et ça, tout ça, ça rentre dans le shirk. Donc, ça, ce sont tous des gens qui disent « La ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah », puis qui font le contraire de ce que ce témoignage implique. Donc, c'est un exemple que ces gens-là, ils ont... comme le Cheikh il dit, ils ne se sont pas limités uniquement à adorer d'autres que Allah subhanahu wa ta'ala et de lui donner des égaux, mais également ils les ont aimés d'un grand amour et ils ont exagéré même dans ce sujet-là au point de les aimer comme on doit aimer Allah subhanahu wa ta'ala. Donc ils ont fait une égalité ou une équivalence entre Allah et sa création dans l'amour, non pas dans le fait de croire qu'ils créent ou qu'ils ont le pouvoir ou qu'ils contrôlent l'univers, mais dans l'amour. Ils ont égalisé, ils ont fait une équivalence, une égalité entre le créateur et la créature dans le respect et dans l'amour qu'ils ont pour lui et pour dans le respect qu'ils ont pour ces idoles-là ou ces êtres-là. Ok. Et aussi pour mentionner en même temps à ce sujet-là, j'avais un point là important à mentionner. Ça m'est quitté. Ouais, ça. Là, ça avait rapport à ça, mais je ne me souviens plus à fin. En tout cas, je vais lire la fin, peut-être ça va me revenir. Le Cheikh dit « والشاهد من الآيات أن فيها إثبات اسم الله وتعظيمه وإجلاله ونفي السمي والكف والند عن الله سبحانه وتعالى وهو نفي مجمل. وهذه هي الطريقة الواردة في الكتاب والسنة فيما ينفي الله عن نفسه، وهي أن ينفى عن الله سبحانه وتعالى كل ما يضاد كماله الواجب من أنواع العيوب والنقائص. Donc le cheikh il dit, qu'est-ce qu'on peut dire à propos de tous les versets qu'on vient de mentionner ici? C'est qu'il y a dans ces versets-là l'affirmation du nom d'Allah subhanahu wa ta'ala, et qu'il a as-sumu, qu'il a ta'zim ou al-ijlal, qu'il faut, qu'il a des, la, yani, comme on peut dire, qu'il est honoré et qu'il est exalté, et également qui n'a pas d'ego, qui n'a pas de pareil, qui n'a pas de comparaison entre lui et ses créatures. Il faut également nier, hein, il dit que ce sont des négations qui sont générales, c'est pas des négations qui sont détaillées. Et donc il dit ça c'est la voie de qui est établie par le Coran et la Sunna, et c'est la voie de Ahlus Sunnah wal Jama'a. On nie ce qu'Allah subhanahu wa ta'ala s'est nié pour lui-même d'une façon général comme il l'a fait, et on affirme l'opposé de ça. Wa alaykoum salam wa rahmatoullahi wa barakatuh. On affirme le contraire de ça et ce que ça implique, comme par exemple le fait que Allah soit exempt de toute faiblesse et de toute imperfection. Et donc comme on l'a expliqué tout à l'heure, on affirme les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et comme il se les a affirmés lui-même, d'une façon détaillée, comme il les a détaillés lui-même, en niant tout ce que ça implique d'opposer à ces attributs-là, comme par exemple, si on dit par exemple que Allah subhanahu wa ta'ala, il est al-alim, donc on doit affirmer en même temps que il n'a pas de jahl, il n'a pas d'ignorance. Hein, il est parfaitement connaissant et il n'a aucune ignorance. Et la même chose quand on affirme, par contre quand on nie quelque chose à Allah parmi les choses qu'il s'est nié pour lui-même, comme par exemple al-nid ou al-kufr ou al-sami ou toute autre chose de ce genre, on le nie d'une façon générale comme on voit, et on affirme l'opposé contraire de ça, c'est-à-dire qu'il est al-ahad al-samad الذي يعني إكله également القيوم الغني et toutes ces attributs de perfection là. Peut-être que c'est le point que يعني beaucoup de gens de bid'a par exemple qui nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala et qui nient par exemple qu'est-ce qu'on appelle le tashbih et des choses de ce genre. Les ressemblances, ceux qui disent qu'ils nient les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala par crainte de tomber dans la ressemblance avec sa création, eh ben, ces gens-là, souvent, c'est eux qui tombent dans le tashbih. Parce qu'ils affirment à Allah subhanahu wa ta'ala toutes sortes de choses qui, ou bien ils donnent parce que, en réalité, eux, pour eux, le tashbih, c'est d'affirmer à Allah subhanahu wa ta'ala les attributs qu'il s'est donné à lui-même. Okay? Et, en réalité, le tashbih, c'est de deux catégories. Il y a deux catégories de tashbih. Le premier tashbih, c'est de faire ressembler Allah à sa création. Et la deuxième forme de tashbih, c'est de faire ressembler la création à Allah subhanahu wa ta'ala. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire, premièrement, la première catégorie, c'est comme si tu dis, par exemple, tu donnes à Allah subhanahu wa ta'ala des attributs de sa création. Ça c'est des attributs de faiblesse. Hein? Ça c'est une forme de tashbih. L'autre que j'ai mentionné, c'est de donner à la créature les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Wa alaykoum salam wa rahmatullah. Donc par exemple, beaucoup de gens parmi les soufis, par exemple, quand ils parlent de leur shuyukh, ils leur donnent des attributs qui appartiennent uniquement à Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc ils font le tashbih dans ce sens-là. Ils disent par exemple que Allah subhanahu, que le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il prétend qu'il connaissait Al-Ghayb. Et ils disent également, par exemple, que leurs awliya, les saints, eux aussi connaissent Al-Ghayb. Donc ça, c'est un exemple de tashbih qui donne à un être humain les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. D'accord? Et beaucoup d'autres exemples comme ça, de choses, d'attributs qu'ils donnent, qui sont uniquement à Allah et qu'ils donnent à leurs shuyukh. Ok? Donc ça, c'est pour ça que c'est étrange de voir que c'est ces gens-là souvent qui accusent Ahl al-Sunnah wal-Jama'a d'être des mushabbiha ou de faire le tashbih, alors qu'en réalité c'est eux les premiers à faire le tashbih. D'accord? En ce qui concerne de donner des attributs humaines ou des attributs de la créature à Allah subhanahu wa ta'ala, et bien cette catégorie-là, il y en a parmi les ce qu'on appelle les rafidah, et également parmi ceux qu'on appelle les mujassima, hein. Comme par exemple ceux qui disent que les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala qu'il s'est attribué lui-même, ils disent qu'il les affirme comme il les affirme celles de la créature, il les affirme celles d'Allah, il les attribue telles quelles comme pour comme pour le créateur. Par exemple, ils disent Allah a une main comme la main de l'être humain. Ça c'est tashbih. Ça c'est haram. Celui qui croit à ça, il est kafir. Celui qui dit que la main d'Allah est comme la main de la créature, il est kafir. Hein? La même chose, celui qui dit par exemple un être humain il connaît le ghaib, lui aussi il est kafir, il a fait le tashbih. Il a donné à un être humain un attribut d'Allah subhanahu wa ta'ala. Hein? Ça c'est pas permis. Mais nous, à la sunnah wal jama'a, on affirme les attributs d'Allah, puis on ne fait pas le tashbih. C'est-à-dire, on dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il a une main, et l'être humain, il a une main, mais il n'y a pas de ressemblance. Laysa ka mithlihi shay, wa huwa as-sami' al-basir. Lahu sam', laysa ka sam'ina. Wa lahu basar, laysa ka basarina. Laysa ka mithlihi shay. Hein? Notre vue, à nous, les êtres humains, elle est limitée. Et tout ça. Et tandis que la vue d'Allah subhanahu wa ta'ala, elle est parfaite, sans limite, etc. Donc ça, c'est des exemples. Comment ces gens-là accusent les gens d'Ahl al-Sunnah de certains mensonges. Et ils essaient de faire fuir les gens, de suivre la voie des salafs, en leur disant que les gens d'Ahl al-Sunnah si wal jama'a font un tashbih. D'accord? Donc il faut juste être au courant de ça. Et puis il y a également un autre point, mais en tout cas j'ai oublié, bon, on va juste continuer. Et puis le cheikh il dit « قُلْ نَفْيُ الشَّرِيكَ عَنِ اللَّهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى » Ça c'est un autre chapitre, en fait, on a fait 1h15, je ne sais pas si on a le temps de rentrer dans ce chapitre-là. Je pense que le mieux c'est d'arrêter ici, et puis on pourrait continuer la semaine prochaine pour le reste, parce que sinon ça c'est un chapitre qui est assez long, puis plus long même que celui qu'on vient de faire, donc si on commence on va pas finir. Je pense que c'est mieux d'arrêter ici, et puis on continue ça la semaine prochaine, Inch'Allah, comme ça va être plus clair. Hein? Donc, Alhamdulillah, Subhanakallah wa bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilayk.